Chapitre 3, sous-chapitre 16, de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Martine. Mademoiselle Lenormand, Sibylle de France. Il est temps de nous occuper de notre époque et de parler de ses croyances dans le merveilleux. Pourrait-on s'imaginer que, dans un siècle où tout est indifférence en matière de religion, scepticisme dans les principes, égoïsme dans les mœurs, on va consulter, comme par le passé, les personnes qui prétendent lire dans l'avenir? Si jamais une personne fut entourée de curieux avides de connaître ce qui doit leur advenir, c'est Mademoiselle Lenormand, la fameuse tireuse de cartes, l'amie de l'impératrice Joséphine, qui a eu une existence presque royale. On peut bien dire d'elle qu'elle égale, si elle ne surpasse, le Sibylle antique de Cumes, de Delphes, d'Érythrée, d'Ancyre et autres lieux. Celle dont parlent Suidas Varron, Hélène, Martinus Capella, Pausanias, Virgile, Aristote ne furent pas visités par de plus grands personnages. Pour apprécier les Sibylles antiques, il faudrait se supposer habitant de la Grèce ou de Rome, quand la croyance des peuples admettait comme un bienfait l'existence d'êtres surnaturels placés par les dieux entre le ciel et la terre et dominant les rois aussi bien que les hommes. De cette manière, on pourrait juger de l'impression et de la terreur souvent salutaire que la voix de ces Sibylles répandait sur tous. Les Sibylles étaient en grande vénération dans l'Antiquité. Chacune de leurs paroles était un oracle, même pour l'autorité. Le roi Tarquin, qui résistait à l'acquisition des livres sibyllins d'une de ses antiques prophétesses, y fut contraint par le conseil des augures. Dès ce moment, on révéra ces livres et un collège de prêtres fut institué pour en garder le dépôt. On ne consultait ces recueils que dans les grandes occasions et sur un décret du Sénat. Ces livres, en un mot, étaient la charte des Romains, et ce fut dans Rome une immense calamité quand ils périrent lors de l'incendie du Capitole, 83 ans avant Jésus-Christ. Ce que nous venons de dire des Sibylles de Rome, on peut le rapporter à celle de la Grèce. Mademoiselle Lenormand ne procédait point comme les anciennes prophétesses dans les convulsions de la fureur, dans le délire sur un trépied. C'est à l'aide de la science, de l'étude des langues du dessin, de la peinture, de la musique qu'elle se fit célèbre. Elle était réellement très instruite et pratiquait de bonne foi la science de Corneille, Agrippa, de Cagliostro et d'Étella. Elle avait beaucoup de pénétration, ce qui lui fit jeter un regard juste sur les conséquences des événements. Quelle que soit l'opinion que l'on se soit faite ou que l'on se fasse de Mademoiselle Lenormand, il est impossible de ne pas être frappé d'étonnement en considérant cette longue carrière pendant laquelle cette femme extraordinaire est toujours demeurée, elle-même, livrant son passé et son présent à l'examen du censeur le plus rigide qui ne saurait, en ce long espace de temps, la prendre en flagrant délit de contradiction. Sollicitée sans relâche par les personnages les plus éminents de ces 50 dernières années, et voyant successivement toutes ses prédictions réalisées, s'il n'a rien que du hasard, il faut reconnaître que le hasard est un grand sorcier. Si au contraire, Mademoiselle Lenormand n'a prédit l'avenir qu'en déduisant les conséquences des prémices qu'elle avait sous les yeux, il faut se prosterner devant cette capacité prodigieuse. C'est sans parti pris que nous abordons ce sujet délicat. Nous ne sommes pas crédules, nous ne sommes pas esprits forts. Nous pensons que le possible a des bornes, mais nous croyons que ces bornes sont à une distance incommensurable de ce que le vulgaire regarde comme les colonnes d'Hercule de la puissance humaine. Nous sommes donc dans les meilleures conditions possibles pour nous occuper de Mademoiselle Lenormand. Et d'ailleurs, dans cette notice, nous laisserons parler les faits. Née à Alençon en 1772, Mademoiselle Lenormand entra de bonne heure à l'abbaye royale des dames bénédictines de cette ville. Avant l'âge de 7 ans, elle se faisait remarquer par beaucoup d'esprit naturel et une imagination ardente, et dès cette époque, elle commença à prophétiser. L'abbesse du couvent d'Alençon ayant été destituée et conduite dans une maison de correction, Mademoiselle Lenormand, qui n'avait alors que 7 ans, prédit qu'une dame de Livardy serait nommée à sa place. 10 mois après, le choix du roi vint confirmer cette prédiction. Sortie du couvent, la jeune prophétesse se livra à l'étude des sciences occultes avec ardeur. Et peut-être comme ces alchimistes qui, en cherchant la pierre philosophale, firent d'admirables découvertes auxquelles ils n'avaient pas pensé, peut-être, disons-nous, mademoiselle Lenormand tira-t-elle de ses études un fruit différent, mais non moins précieux que celui qu'elle attendait. Cette sibylle fameuse n'avait pas 18 ans lorsqu'elle vint s'établir à Paris, rue de Tournon, numéro 5, dans un appartement qu'elle n'a pas quitté pendant 52 ans. Cet appartement est situé au rez-de-chaussée. Son entrée donne dans la cour de la maison. On y arrive par un petit perron de 3 marches. Après une modeste antichambre se trouve le salon, décoré de 4 colonnes et 4 bustes aux 4 angles. Il est garni d'un assez grand nombre de tableaux et gravures, parmi lesquels on remarque les adieux de Louis XVI à sa famille et le portrait en pied de la Sibylle. C'est dans ce salon que les consultants attendaient leur tour, chacun d'eux était successivement introduit dans la chambre à coucher. C'était là l'antre de la Sibylle. Cette chambre, qui est fort belle, est située sur la rue de Tournon, à environ 4 pieds au-dessus du sol. Les meubles qui la garnissent sont en érable, d'un fort bon goût, et il y règne une sorte de désordre artistique assez remarquable. Des vases de porcelaine du plus grand prix sont déposés, çà et là, sans symétrie. Des coupes en vermeil, de formes différentes, couvrent la cheminée, au centre de laquelle se trouve une pendule assez mesquine. Assise dans un vaste fauteuil, devant un guéridon chargé de cartes et de tarots, et la tête couverte d'une toque bizarre, la pythonisse rendait là ses oracles depuis plus d'un demi-siècle. Lorsque mademoiselle Lenormand arriva à Paris, le règne de l'incrédulité était à son apogée. On était alors athée par ton, par amour-propre et par conviction. Mademoiselle Lenormand se mit à prédire l'avenir. Et, chose incroyable autant que vraie, ce fut parmi les athées les plus intrépides qu'elle trouva tout d'abord ses adeptes les plus fervents. Des nobles, des prêtres, des magistrats, des militaires, des grands seigneurs, des potentats se pressèrent souvent dans son antichambre. Au commencement de 1789, elle annonça la chute du trône, des changements dans la constitution du clergé et la suppression des couvents. On remarquera qu'une telle prédiction est fort extraordinaire pour une jeune fille qui s'élève brusquement au niveau des esprits éminents et comprend l'imminence et l'intensité des tempêtes politiques et qui réclame tout haut ce que les plus audacieux disaient tout bas. Sibylle, tel était le nom qu'elle s'arrogeait à l'époque de la tourmente révolutionnaire. Marat, Saint-Just, Robespierre vinrent eux-mêmes la visiter. Un soir, dit l'un de ses biographes, 3 hommes se présentèrent chez elle et lui demandèrent en souriant la révélation de leur destinée. Elle prit leurs mains dans les siennes et recula avec horreur. « Parlez sans crainte, lui dit le plus jeune des 3, nous avons l'âme forte, quel que soit ton arrêt, nous l'entendrons sans sourciller. » Ne pouvant maîtriser son émotion, la Sibylle agita longtemps ses cartes. La voix lui manquait pour prononcer l'oracle. Cependant, elle finit par céder à d'impérieux encouragements, et les 3 visiteurs accueillirent par de bruyants éclats de rire ces sinistres paroles. Leur gaieté ne se démentit pas, même lorsqu'ils s'entendirent menacer d'une fin tragique. « Il est clair que l'oracle se trompe, disait-il en sortant. Si la révolution nous dévore, nous périrons tous 3 le même jour, à la même heure et au même endroit. » « C'est juste, reprit l'un d'eux. Et cette femme ne savait ce qu'elle disait en m'annonçant que je succomberais avant vous 2, et que de grands honneurs environneraient mes funérailles, tandis qu'au contraire, le peuple insulterait à vos derniers moments. Elle a calomnié le peuple. Si nous la traduisions au tribunal. Bah, il faut accorder quelque licence à la prophétie, la Sibylle de Cumes n'a jamais été inquiétée. Cela dit, Robespierre, Marat et Saint-Just se rendirent au comité de salut public où ils parlèrent de toute autre chose que de la citoyenne Lenormand. La mort de Marat, qui arriva quelque temps après, réalisa une partie de l'oracle. Saint-Just et Robespierre retournèrent chez la Sibylle, mais elle se tenait sur ses gardes et elle fit de son mieux pour atténuer l'effet de sa première prédiction. Malheureusement, d'autres consultations la trouvèrent moins prudente et son ardeur prophétique l'entraîna jusque dans les prisons d'où l'on ne sortait alors que pour monter à l'échafaud. Les plus grands prophètes sont sujets à ces mésaventures. Uniquement occupés de destinées d'autrui, ils ne songent pas à tirer leur propre horoscope et ils se laissent surprendre par des dangers qu'ils auraient facilement évités s'ils s'étaient donné la peine de regarder dans le creux de leurs mains et de se faire les cartes. La réaction thermidorienne sauva Mademoiselle Lenormand. Avait-elle prévu ce dénouement? Voilà ce qui n'a jamais été prouvé. Cependant, la persécution dont elle avait failli être victime et qui l'accusait au moins d'inadvertance ne fit qu'augmenter sa vogue. « J'ai combattu les tartuffes du siècle, » dit Mademoiselle Lenormand dans un de ses ouvrages. « J'ai conversé avec presque tous les hommes qui ont figuré sur notre grand théâtre politique et j'ai fait sur chacun d'eux des remarques bien étonnantes. Le zélé républicain, le fougueux démagogue, peuvent se rappeler ce que je leur disais dans leur temps prospère. Il en est plus d'un dont j'ai eu le bonheur de diriger et de fixer les opinions. Il est constant, dit un biographe, que l'impératrice Joséphine vivait avec Mademoiselle Lenormand dans la plus grande intimité. Enfin, pour que rien ne manquât à la célébrité de cette femme extraordinaire, Napoléon la consulta souvent. Et à cette faiblesse, si c'en est une, il ajouta celle plus grande de vouloir punir la Sibylle à propos de quelques prédictions qu'elle lui avait faites, qu'il trouvait malsonnantes et qui n'ont été que trop complètement justifiées par les événements. Ce fut en 1807 que Napoléon, poussé peut-être par Joséphine à qui il ne savait rien refuser, consulta pour la première fois Mademoiselle Lenormand. Pour que rien ne pût faire soupçonner à la pythonisse la qualité et la haute position de celui qui avait recours à son art, on choisit une fille de campagne, sourde, presque muette, et ne sachant ni lire ni écrire. On donna à cette femme un billet cacheté contenant l'indication de l'année, du mois, du jour et de l'heure de la naissance de Napoléon. On y joignit le nom de la fleur qu'il aimait le mieux, celui de l'odeur qu'il préférait. Ce billet était anonyme. Il avait été écrit par un individu que l'on tint en charte privée jusqu'à ce que la Sibylle eût répondu à l'invitation qu'il contenait de tirer l'horoscope à laquelle se rapportaient ses indications. On joignit à ce billet une bourse bien garnie et l'on envoya cette fille chez Mademoiselle Lenormand, avec ordre de lui remettre le tout et d'attendre la réponse. Voici les principaux passages de l'horoscope que la Sibylle donna, écrit de sa main, à l'envoyé de Napoléon. Cette pièce, qui nous paraît authentique et sans contredit, l'un des monuments les plus singuliers de l'histoire moderne. Le consultant est né dans une île. Son père n'existe plus. Il a 4 frères et 3 sœurs. Son caractère est ferme, prononcé, méditatif, plus sérieux que gai. Il tient beaucoup à son sentiment et ne se laisse pas influencer par les femmes. Il donne très difficilement sa confiance. Il craint d'être deviné, ce qui lui fait cacher ses moindres actions. Il est sensible à l'offense, la pardonne difficilement, il hait les ingrats. Dès son plus jeune âge, le consultant a dû être destiné à l'état militaire. Il a parcouru l'Italie et est entré dans la capitale du monde chrétien. Il a dû y être considéré. Ce consultant a vu un pays qui, dans les temps reculés, fut le berceau d'une religion. Ceux qui avaient coopéré à son voyage ne croyaient plus le revoir. À son retour, il a couru de grands dangers et il a fini par dicter des lois à ses ennemis. Son épouse est étrangère. Elle est douée d'un cœur sensible et bon. Son âme est grande et généreuse. Je la vois violemment contrariée et inquiète. Elle craint avec raison que son mari ne change pour elle et que ses propos qui sont tenus au hasard ne se retournent par la suite en certitude. Le consultant a dû faire la connaissance de cette dame d'une manière toute singulière. Une circonstance fortuite a décidé ce mariage, mais il était dans leur destinée d'être unis. Elle était veuve d'un homme blond, estimé dans le militaire et qui lui avait laissé 2 enfants. Cette dame avait perdu son époux par le fer et d'une manière terrible. Le consultant est fortement préoccupé en cet instant. Je le vois même incertain, ce qui ne lui arrive guère, car il sait prendre un parti sur le champ. Une démarche que doit faire son épouse étonnera tout le monde. Néanmoins, cette dame rencontrera quelques obstacles. Enfin, cette démarche unique aura lieu dans le cours des 28 lunes à partir de ce jour. Il s'ensuivra une séparation qui aura de déplorables suites pour le consultant. Le nom du consultant se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Il coopérera à de grands événements. Il sera le médiateur de grands intérêts. Il est quatre choses extraordinaires que le consultant doit éviter. L'une tient à sa vie. Cela arrivera de 3 à 7 années au plus tard. Le consultant est un homme d'État. Il travaille souvent dans le secret du cabinet. Il parlera au plus grand. Il a 3 sortes d'amis. De bien vrais qui lui sont attachés par la reconnaissance. D'autres qui tiennent à sa fortune présente. D'autres qui épient ses moindres actions. Quant à lui, bien fin qui le devine. Il montera aux plus grands honneurs auxquels un homme puisse se prétendre. Mais si d'ici à 7 années il me consulte et se souvient de mes prédictions, tant mieux pour lui. Je vois tant d'événements pour ce consultant qu'il me faudrait un in-folio pour les relater tous. Qu'il ne touche pas à l'encensoir et qu'il se garde du vent du nord. Napoléon parut frappé d'abord de la singularité de cet horoscope. Puis il dit qu'il y avait là quelque supercherie et il n'en parla plus. Mais il est incontestable que depuis cette époque, jusqu'en 1809, il consulta plusieurs fois Mademoiselle Lenormand. Toutefois, il n'était pas homme à se laisser imposer par une tireuse de cartes. Quelque temps avant son divorce avec Joséphine, il apprit que Mademoiselle Lenormand s'occupait de certaines intrigues ayant pour but de retarder ou d'empêcher ce grand événement, et aussitôt il donna l'ordre d'arrêter la Sibylle. Déjà en 1794, Mademoiselle Lenormand avait été emprisonnée par ordre de Robespierre, qui lui aussi avait consulté plus d'une fois la pythonisse. « J'ai vu de bien près ce farouche Maximilien, dit-elle dans ses écrits, et je puis le juger livré à lui-même. C'était un homme sans caractère. Superstitieux à l'excès, il se croyait envoyé par le ciel pour coopérer à une entière régénération. Je l'ai vu, en me consultant, fermer les yeux pour toucher les cartes, frissonner même à l'aspect d'un œuf de pique. J'ai fait trembler ce monstre, mais peu s'en est fallu que je ne devinsse sa victime. » Le 16 décembre 1803, nouvelle arrestation de Mademoiselle Lenormand, que l'on accusait d'avoir prédit la conspiration qui venait d'éclater. Le 1er janvier 1804, elle écrivit de la prison des Madelonnettes au préfet de police. Si le préfet voulait dans ce moment, par un bienfait commencé cette année, donner congé de mon appartement, je lui prédis d'heureuses destinées. 2 heures après, Mademoiselle Lenormand était libre. En 1805, nouvelle arrestation qui ne dura que 48 heures. Enfin, le 11 décembre 1809, Mademoiselle Lenormand fut arrêtée par ordre de l'empereur. Le samedi 19 décembre 1809, Mademoiselle Lenormand s'était rendue rue de Cerutti à l'hôtel de la reine Hortense où l'impératrice Joséphine l'attendait. Que se passa-t-il dans cette entrevue qui dura plusieurs heures? C'est ce que nous ne saurions dire, mais il paraît certain que cette visite et ce qui fut fait pendant sa durée motivèrent l'arrestation de la Sibylle. Le 11 décembre, le commissaire et plusieurs agents de police pénétrèrent dans les appartements de Mademoiselle Lenormand, alors entourée d'un grand nombre de personnages qui venaient la consulter. Tout est examiné et saisi par ces profanes. Cartes, cabales, baguettes divinatoires, cartons, papiers, etc. Tout cela est porté dans une voiture où l'on fait monter la Sibylle elle-même que l'on conduit à la préfecture de police. Le préfet interroge la prisonnière. « Puisque vous prétendez prédire l'avenir, vous auriez dû prévoir ce qui vous arrive aujourd'hui. »« Je le savais, monsieur. Mon horoscope est dans l'un des cartons que l'on a saisi chez moi. Vous pouvez vous en assurer. » Le préfet envoie chercher le carton désigné. Il en brise les scellés et il lit l'horoscope où cette arrestation se trouvait en effet annoncée en termes fort clairs. Cette détention dura 12 jours. Il paraît que pendant ce temps, la police fit de nombreux et inutiles efforts pour s'attacher Mademoiselle Lenormand, qui, en effet, était en situation de lui rendre de grands services. Ce fut la dernière persécution que la Sibylle de la rue de Tournon eut à subir du gouvernement impérial. Et à partir de cette époque, elle put se livrer paisiblement à ce qu'elle appelle ses grands travaux. Les moyens que Mademoiselle Lenormand employait pour connaître l'avenir étaient nombreux. Elle le cherchait dans le marc du café, dans des blancs d'œufs. Elle le découvrait à l'aide des tarots, de l'alectromancie, etc. Les tarots sont de grandes cartes couvertes de figures bizarres. Ce sont le chaos, les quatre éléments, etc. Dieu, l'homme, toute chose mystérieuse dont il ne nous appartient pas, profane que nous sommes, de donner l'explication. Pour lire l'avenir dans un blanc d'œuf, il fallait que le consultant eût porté sur lui un œuf frais pendant plusieurs jours. Alors la pythonisse le cassait, et elle en extrayait le blanc, qu'elle jetait dans un verre d'eau, où il se formait des figures qu'elle expliquait. Le marc du café s'emploie à peu près de la même manière. Quant à l'électromancie, voici ce que c'est. On trace un grand cercle, on inscrit sur sa circonférence les lettres de l'alphabet, on place sur chaque lettre des grains de froment, puis on pose un coq au milieu du cercle. Et à mesure qu'il mange, on écrit les lettres sur lesquelles il s'arrête et on les interprète ensuite. Il y a encore la divination par la captromancie, qui se pratique en jetant une goutte d'eau sur une glace de Venise. Tout cela peut paraître fort ridicule, et nous le répétons, Mademoiselle Lenormand ne dut très probablement ses succès en genre qu'à la grande perspicacité dont elle était douée. Qu'importe les moyens que j'emploie, dit quelque part Mademoiselle Lenormand, pourvu que les plus incrédules soient obligés de s'incliner devant le résultat. Que peut-on répliquer à cela? En traitant les hommes comme de grands enfants, la sibylle n'est-elle pas dans le vrai? Mademoiselle Lenormand fut arrêtée une dernière fois en Belgique en 1821. La date est remarquable à cause de ce qui suit. On l'accusait dans ce pays d'avoir énoncé quelques maximes malsonnantes dans son ouvrage intitulé « La sibylle au congrès d'Aix-la-Chapelle ». D'avoir des entretiens avec le génie Ariel, de posséder une loupe magique, un talisman précieux et une flèche d'abacte. En 1821. Cela n'est-il pas plus prodigieux que tous les prodiges attribués à Mademoiselle Lenormand? Mais au moins, dira-t-on, les tribunaux firent justice de cette inqualifiable accusation. Ils firent justice, en effet, et voici comment. Traduite pour ses faits devant le tribunal de Louvain, Mademoiselle Lenormand s'y entendit condamnée à l'amende et à une année d'emprisonnement. Ne semble-t-il pas que ce soit là une sentence prononcée par un tribunal du Moyen-Âge? La sibylle, qui s'était défendue elle-même et qui avait fait preuve de fermeté et d'un rare talent d'élocution, appela de ce jugement qui, pour l'honneur de l'humanité, fut cassé par la Cour suprême de Bruxelles. À cette occasion, Mademoiselle Lenormand fut portée en triomphe au milieu de toute la population de cette ville. Mademoiselle Lenormand a promis depuis une vingtaine d'années avant sa mort des mémoires sur la Révolution française, et il faut convenir que l'auteur réunissait toutes les conditions pour que ses mémoires fussent les plus curieux du monde. En effet, elle dit dans une sorte de prospectus, nous citons textuellement, « J'ai vu, j'ai conversé avec la majorité des hommes qui ont figuré sur notre grand théâtre politique. J'ai fait sur chacun d'eux des remarques étonnantes, et je les ai consignées chaque jour sur une tablette. Tout y est présenté avec l'exactitude la plus minutieuse, les choses les plus incroyables, les plus secrètes y figurent, etc. Tout cela peut être et doit être vrai, mais hélas, ces mémoires sont pour nous la terre promise. Nos petits-neveux seulement y pourront toucher. Et encore, pour cela, chacun d'eux devra-t-il posséder au moins 900 francs, prix établi par la sibylle pour chacun des exemplaires de ce merveilleux ouvrage. Mademoiselle Lenormand venait d'atteindre sa 72e année, sa santé semblait excellente, et elle-même paraissait convaincue que de nombreuses années lui étaient encore réservées, lorsque dans les premiers jours du mois de juin, elle fut atteinte d'une grave maladie, qui l'enleva après 20 jours de cruelles souffrances. Le 25, cette célèbre pythonisse expira dans son appartement situé au rez-de-chaussée de la maison portant le numéro 5 dans la rue de Tournon. Elle laisse, dit-on, une fortune de plus de 500 000 francs, et n'a pour héritier qu'un neveu, officier, qui sert en ce moment en Afrique. Le 27, l'église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, rue d'Enfer, est étendue de blanc. dans le chœur, était un superbe catafalque chargé d'une multitude de cierges. À 11h30, un superbe corbillard, traîné par 4 chevaux blancs richement caparaçonnés, s'est arrêté devant l'église, suivi d'une centaine de pleureuses, un gros cierge à la main, puis d'une foule de dames. Ce convoi de première classe, s'il en fut, était celui de la célèbre pythonisse Mademoiselle Lenormand. Après les prières de l'église qui ont été longues et magnifiques, le cortège est parti pour le cimetière du Père-Lachaise où sont inhumées toutes les illustrations de la capitale. Les dames qui suivaient les pleureuses étaient les nombreuses élèves que Mademoiselle Lenormand a laissées et auxquelles elle a enseigné l'art précieux de prédire l'avenir. La Sibylle, comme on vient de le voir, ne voulut pas que sa science restât dans l'oubli après sa mort. Comme elle savait écrire, elle a composé nombre d'ouvrages où sont consignés les détails de sa vie et de son art merveilleux. Parmi ces ouvrages, on compte. Premièrement, les souvenirs prophétiques d'une Sibylle sur les causes secrètes de son arrestation du 11 décembre 1809. Deuxièmement, anniversaire de la mort de l'impératrice Joséphine, 1815. Troisièmement, la Sibylle au tombeau de Louis XVI, 1816. Quatrièmement, les oracles sibyllins, 1817. Cinquièmement, la Sibylle au congrès d'Aix-la-Chapelle, 1819. Sixièmement, mémoire historique et secret de l'impératrice Joséphine, 1820. Septième, souvenir de la Belgique, 100 jours d'infortune ou le procès mémorable, 1822. Huitième, l'ange protecteur de la France au tombeau de Louis XVIII, 1824. Neuvième, album de Mademoiselle Lenormand. Dixième, l'ombre immortelle de Catherine II au tombeau d'Alexandre Ier. 11e, l'ombre de Henri IV au tombeau d'Orléans, 1831. 12e, manifeste des dieux sur les affaires de France, 1832. 13e, arrêt suprême des dieux de l'Olympe en faveur de la duchesse de Berry et de son fils, 1833. Cette devineresse a fait plus de 100 volumes. La plupart de ses ouvrages sont écrits en style emphatique et diffus, comme cela devait être sous la plume d'une pythonisse. Les chiromanciens y puisent des connaissances pratiques. Comme tout était singulier dans cette femme, elle avait adopté un cérémonial uniforme pour tous ceux qui la consultaient. Un vieux domestique, en habit noir, introduisait le consultant dans l'antichambre en disant « Mademoiselle est occupée, veuillez attendre ». Ce procédé dilatoire en usage chez les médecins et les avocats a pour but de persuader au client qu'il n'est qu'une unité d'une queue interminable. Au bout de 10 minutes, le vieux domestique vous menait dans un cabinet oblong à l'extrémité duquel était assise la prêtresse, le front ombragé d'un turban. Le long du mur à gauche de la porte était une bibliothèque remplie des ouvrages de Jean de la Taille, Jean Bellot, Nostradamus, Albert de Souabe, Le Loyer, Gaspard Pesser, Apomazard, Léonard Vert, etc. La Sibylle vous adressait 8 questions. Quel est le mois et le quantième de votre naissance? Quel est votre âge? Quelles sont les premières lettres de vos prénoms et du lieu de votre naissance? Quelle couleur préférez-vous? Quel animal aimez-vous le mieux? Pour quel animal éprouvez-vous le plus d'antipathie? Quelle est la fleur de votre choix? « Voulez-vous le grand jeu ou le petit jeu ?» Elle commençait ensuite ses opérations chiromanciennes, cartomanciennes, catromanciennes, ocopiennes ou caféomanciennes. Ce qui a rendu Mademoiselle Lenormand si fameuse, c'est d'avoir compté parmi ses adeptes Fouché, Barat, David, Denon, Moreau, Madame de Staël, Talma, le chanteur Garat, le prince de Talleyrand et la plupart des hommes illustres de l'Empire. Nous reconnaissons volontiers qu'elle ne manquait ni d'esprit ni d'érudition. Mais puisse-t-elle, pour l'honneur du XIXe siècle, avoir emporté l'art divinatoire dans son tombeau? Fin du chapitre 3, sous-chapitre 16. Lu par Martine.